La monnaie est un dispositif d'interaction collective, ô combien. Et la monnaie est largement distribuée et reconnue par tout le monde, justement en tant que code. C'est un code distribué. C'est un code admis par tous, arbitraire, qui fait qu'on peut interagir, bien sûr, deux à deux, dans des échanges monétaires bilatéraux, mais aussi globalement. C'est un code de fuite. C'est typiquement le code de fuite global, quoi. Même s'il y a effectivement plusieurs monnaies, mais il y a des chambres de compensation, etc., etc. Au-delà de telle ou telle monnaie, il y a le code qui dit que il y a monnaie et que cette monnaie, elle est de tel ou tel type. Parce qu'il y a plusieurs, il est possible d'imaginer plein de types de monnaie. En fait, là, il y a une sorte de consensus global pour un type de monnaie, des règles du jeu, disons, liées à la monnaie, que ce soit le dollar, le yen ou n'importe quoi d'autre. Et ce code de fuite monétaire, il est commun à tous. Alors voilà, donc moi j'ai mon petit modèle poétique avec mon petit réseau à centrer qui permet d'observer des interactions collectives, éventuellement donc à centrer, de voir que de cette interaction collective émergent des histoires, des moments d'enthousiasme, des formes de structuration. Quelque chose que tout le monde semble connaître, reconnaître, comprendre, qui raconte des histoires pendant un certain temps. Puis, au bout d'un moment, c'est le crack, c'est le chaos, on comprend plus rien. Pendant un certain temps, puis on repart vers un nouveau cycle, etc. Voilà, en gros. Et alors, pour le moment, disons, de ces phénomènes d'interaction collective, pour le coup, là, réellement planétaire, hein, dans le cas de la monnaie. Bon, il y a des économistes très raffinés et très matheux qui peuvent pondre des modèles, mais faut être modeste quand même. On ne comprend pas grand-chose. On ne comprend pas vraiment grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des zones qui sont pleines de monnaie, puis des zones qui sont vides de monnaie. Qu'au passage, il y a aussi beaucoup de souffrance, qu'il y a beaucoup de création, mais il y a aussi beaucoup de souffrance, et puis qu'il y a une instabilité intrinsèque au dispositif qui fait que en gros, il y a des pertes en ligne d'énergie considérables. Il y a. Voilà, je crois que tout le monde a perdu pied dans la monnaie, on ne sait plus en quoi elle sert l'humain, etc.